Donc bonjour à tous. Nous allons faire un point sur les médias et la manière dont ils traitent les informations et les forces en puissance, en présence, pardon. Les puissances en présence et les forces qui manquent de rupture, justement. Excusez-moi, je suis en train de manger des... Donc, l'idée de... Alors, j'essaie de rassembler mes idées, dont j'en avais absolument... Bon, du coup, là, l'intervenante qui devait venir n'est pas venue. Et c'est Mehdi, en fait, il est en train de chercher dans sa tête pour improviser quelque chose pour vous. Voilà, hein, donc on va redémarrer dans pas longtemps. Et je rappelle que nous, c'est Debout Éducation Populaire. On est bénévole. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez nous aider. Voilà, hein, nous... Pour le moment, on est 6 dans la commission et il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de choses à faire, qui peut pas être disponible. Nous, on cherche des gens qui peuvent être disponibles même une heure ou deux juste pour amener le matériel au bâtiment. Vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée. Voilà, c'est un mouvement, populaire. Hein. Tout le monde est là pour s'aider. Bon, bah voilà, donc je laisse la parole à Mehdi. Et je pense que lui-même vous expliquera ce qu'il a envie de dire. Donc, quels sont les problèmes qui se posent avec les médias? Quelles sont les raisons pour lesquelles le public déteste de plus en plus les journalistes? C'est un peu ce que je voudrais aborder là. Donc, je vais me donner une vingtaine, trentaine de minutes pour parler de ça. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qui provoque cette haine vis-à-vis des journalistes. Parce que dans les métiers les plus détestés au monde, le journaliste n'est pas le plus détesté. Il y a apparemment celui qui est le moins envié, en tout cas. C'est celui qui est le moins envié, c'est celui de bûcheron. Et ensuite, c'est le métier de journaliste. Alors pourquoi ça? Parce que simplement... il est à la croisée des chemins du pouvoir, puisque on appelle le média le cinquième pouvoir. Ce pouvoir-là, qui est celui de pouvoir expliquer et faire voir le monde aux autres, a pour conséquence de peut-être fabriquer une forme de réalité, une forme de société, en tout cas. On voit une forme de société à travers le regard des journalistes et des communicants. Et du coup, il y a des pressions, des organisations financières qui se placent autour de ces personnes-là pour pouvoir justement travailler cette expression-là. Donc c'est assez facile, on peut en retrouver des choses comme ça dans tous les salons, dans toutes les assemblées générales de sociétés. Par exemple, on va avoir Total qui va demander... à la tribune de faire un exemplaire particulier pour expliquer les intérêts du gaz pétrole, du gaz naturel liquéfié, du GNL, et qui va demander donc à une section de ce journal de trouver des journalistes qui vont écrire sur ces sujets-là. Donc évidemment, c'est très bien payé. Il faut voir que pour un article de 1500 signes, un journaliste en général est payé entre 60 et 80 euros pour le feuillet. Donc on appelle 1500 signes, donc c'est ça qu'on appelle un feuillet. Et lorsque ce sont des communicants qui vont payer, lorsque c'est quand l'objectif est de communiquer vis-à-vis des actionnaires ou vis-à-vis de grand public dans un objectif de faire adhérer, de faire vendre un sujet, ben là on va passer à 150, 200. 300 euros le feuillet. Donc là, tout de suite, ça devient plus intéressant pour un journaliste de travailler dans ces conditions-là. Ça lui permet d'avoir plus de temps, ça lui permet d'être un peu plus motivé par ce type de travail. Donc ça fait quoi? Ça fait que lorsqu'il a besoin de faire un vrai travail d'information, il va être peu payé, il aura pas beaucoup de temps et ses frais sont très peu remboursés. Et lorsqu'il aura besoin de faire un boulot de communication, il va être bien payé, il aura plus de temps et moins de pression. Et alors moins de pression, bah, pas exactement, mais disons que s'il rentre bien dans les guides et dans les rails du média en question, bah, à ce moment-là, il y a quelque chose. Voilà, il va être bien payé. Surtout, il va se créer une forme de clientèle. C'est-à-dire que très régulièrement, ces mêmes personnes vont venir le contacter puisqu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance à ce journaliste pour écrire de bons articles de communication. Bah, ils vont très régulièrement revenir. Et donc, ça va entretenir finalement un peu comme comme on trace une saignée, comme on trace un trait dans le sable, au fur et à mesure que l'on passe dedans, et ben il s'entretient. Donc le journaliste va être entretenu par le travail de communication, et par contre il va être le travail de réelle information indépendant, lui il va être de moins en moins bien payé et va devoir se faire dans des conditions de plus en plus dégradées. Donc ça provoque. Donc il y a déjà ce problème-là, ce problème de précarité de la du média en de la fabrication en fait du contenu. Cette précarité-là qui entretient le mauvais contenu et qui détruit ou qui dégrade le contenu que l'on attendrait normalement d'un journaliste. Un deuxième aspect dont on parle beaucoup. Notamment à travers Drahi, par exemple, ou à travers Bolloré pour Canal+, c'est ces pressions, ces organisations qui font en sorte de construire au fur et à mesure des sujets, des médias autour d'un type de production. C'est-à-dire que on sait très bien que tous les journalistes vont devoir produire un certain type de contenu. Et donc, parce qu'on sait très bien que c'est ce contenu-là qui va marcher, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur Internet, quand on est sur Facebook, on va avoir beaucoup plus tendance à cliquer sur des liens qui parlent de People ou qui parlent de l'ex-femme de Hollande que quand on va parler justement de choses un peu plus sérieuses, donc, comme par exemple que ce week-end, voilà, des réfugiés vont être dégagés de Jaurès et de Stalingrad pour être envoyés à Saint-Denis dans un truc qui vient d'être monté par Hidalgo. Bah ça, vous allez très peu en entendre parler. Raphaël Correa, qui est un président équatorien, qui est en train d'inventer le socialisme du 21e siècle, personne va en entendre parler dans les informations parce que on considère que c'est quelqu'un de très loin, dans un pays assez peu connu. Enfin, c'est des journalistes qui ont pignon sur eux, qui sont censés être indépendants politiquement, mais qui eux vont décider pour les autres et qui vont dire bon bah non, lui on va pas parler de lui parce que bah de toute manière nous on sait que tous les autres s'en foutent quoi. Donc moi quand je dis je vais citer ces noms là, ça va être du Yvan Levaille, ça va être du Frédéric Taddeï, ça va être du Yves Calvé là, celui qui fait France 5, c'est dans l'air. Enfin voilà, ces journalistes là vont dire bah non, on va comment? Voilà, bah oui, bon, bah, parfait, hein, tant mieux, il gagnera plus de sous. Et donc voilà, donc ces journalistes-là vont se dire bon ben voilà, ces sujets-là, ça intéresse personne, mais par contre on va parler des sujets qui intéressent tout le monde. Donc la dernière sortie de Sarkozy sur les Gaulois, la dernière insulte qui a été dite par tel politique, enfin voilà, les choses les plus insignifiantes mais les plus choquantes et celles qui génèrent de l'émotion vont être mises en avant dans les médias, et celles qui devraient susciter de l'indignation mais qui prennent du temps à expliquer, bah celles-là vont être mises un peu sur le tapis, bah parce que ça n'intéresse pas, parce que des journalistes considèrent que ça n'intéresse pas. Et donc, du coup, on va se retrouver dans une situation où on ne comprend pas pourquoi, dans les informations, on va pas trouver les réelles choses qui devraient nous toucher et qui devraient nous faire comprendre comment la marche du monde fonctionne. Donc, on va pas comprendre que Jaurès et Stalingrad, ce n'est pas une organisation qui va gérer la nourriture des migrants, mais on va pas expliquer que il y a 5, 6, 10 associations qui se sont organisées à travers un groupe Facebook pour dire là aujourd'hui je peux venir avec 300 repas, ce soir je vais pouvoir venir avec 400 repas et ainsi de suite, s'organiser les uns après les autres. Non, ça, ce genre d'information va pas transparaître dans les médias parce que c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à faire comprendre et ça prend trop de temps. Alors et si on parle de Facebook à une certaine population, cette population va dire oh là là, les réseaux sociaux ça m'intéresse pas, etc. Si on parle de migrants à une autre population, ils vont dire oh là là, mais ils sont venus nous prendre de l'argent, prendre nos boulots, profiter de nos acquis sociaux. Si on parle de la gestion de la ville de Paris, on va dire ah oui, mais c'est une élue de gauche, etc. Donc il y a beaucoup de raisons d'empêcher l'information de passer et généralement c'est ces raisons-là qui gouvernent plutôt que la nécessité d'informer et de faire comprendre les difficultés et les enjeux du monde dans lequel on vit. Et donc toute cette structure-là est entretenue par des financiers qu'on va retrouver donc entretenu par Bolloré, qu'on va retrouver entretenu par Patrick Drahi. Et donc là, typiquement, Patrick Drahi, qui est à la tête d'une très très grosse structure qui maintenant englobe l'étudiant, qui englobe l'Express, qui englobe quand même pas mal de médias, va pouvoir aussi profiter de ces structures-là pour faire de l'information à la fois orientée vers des clients qui payent très bien dans le sens de la communication, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple on va organiser un salon autour de plusieurs universités, ces universités vont payer l'organisation de ce salon et donc du coup il va falloir faire un étudiant spécial pour ces universités-là et donc éviter de parler de la loi LRU qui parle du financement défaillant des universités. Et ainsi de suite. Et tout ce genre de financements qui sont très bien rémunérés, vont favoriser donc une expression particulière et au contraire dégrader la nécessité de changer le système et de changer le fonctionnement actuel du système. Et donc les gens sont pas complètement idiots. Déjà ils ont une vie. Déjà ils ont ils voient comment leurs étudiants, leurs enfants ou l'enfant d'amis fonctionnent et les choix devant lesquels ils sont. Et donc confrontés à ces choix-là, ils voient bien que ce qui est raconté dans les médias et ce qui se réalise concrètement, c'est pas du tout, ça colle pas ensemble. Et donc ils se disent bien, mais il y a quelque chose qui se passe dans ces médias. Qui nous raconte des histoires ? On a là d'un côté des gens qui ont un vécu, qui ont de véritables difficultés, qui comprennent pas pourquoi il n'y a pas assez d'ordinateurs pour leurs enfants, pourquoi l'internet ne fonctionne pas bien ou a une connexion qui est trop lente, pourquoi les bureaux sont en mauvais état, pourquoi les portes, les couloirs, les peintures, les outils sont en mauvais état, alors que dans l'étudiant ou dans des grands journaux comme ça, on va dire tout va bien, tel système fonctionne très bien, etc., etc. Ils voient bien qu'il y a une différence. Donc la seule raison qu'ils ont devant eux, c'est de se dire effectivement, il y a une forme de mensonge, quoi. Il y a une forme de les journalistes ne racontent pas ce qui se passe réellement. Ils ne racontent pas que le système ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Alors du coup, il y a cette colère qui arrive et qui monte et qui dit mais arrêtez de nous raconter des histoires. On va trouver aussi des gens qui sont entretenus dans un certain système et qui considèrent que puisqu'ils sont installés, ils ont forcément une vue sur le monde qui est la plus objective et la plus réaliste. Et du coup, ils vont refuser de parler de certains sujets. Oui, monsieur, vous voulez me poser une question ? Bonjour, je m'appelle Thierry. Je voudrais rectifier, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit, mais il y a aussi beaucoup de choses fausses. Je voudrais rectifier certaines choses, notamment la différence entre journaliste et communicant. Il s'avère que je suis là par hasard. Je vais au concert de Renaud là ce soir. Je suis venu en stop ce matin. Je viens du Nord, à côté de Calais. Enfin, une centaine de kilomètres de Calais, mais j'y vais assez souvent. Les journalistes aujourd'hui sont détestés. Je le ressens aussi, c'est ce qu'on me dit, mais sont avant tout des êtres humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 38 000 journalistes, il y a 19 000 précaires. Et si certains essaient de faire des publi-reportages, ce que tu disais au tout début, c'est pour pouvoir bouffer. Voilà. Parce que quand tu parles des journalistes, tu parles des journalistes qui sont à 30 ou 40 000 euros à TF1 ou au Figaro. Ce qui s'avère, je connais bien le Figaro, il s'avère que mon patron, c'était Serge Dassault, avant que je démissionne. Enfin, j'ai démissionné quand Serge Dassault a racheté le journal pour lequel je travaillais dans le Nord. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on déteste les journalistes, mais le métier de journaliste, à la base, c'est d'informer. Alors, évidemment, il y a eu un changement au début des années 2000, où on a été pris dans un système capitaliste, puisque les grands groupes ont été rachetés. Moi, j'ai commencé dans le groupe R100, enfin Socpress, qui a été racheté après par Carlyle Group, un groupe de fonds de pension américain, qui était dirigé, pour info, qui était dirigé par la famille Bush et Ben Laden, qui a été acheté 100 millions d'euros. Le groupe était revendu 3 ans plus tard, en 2003, à Serge Dassault pour 500 millions d'euros. Donc voilà, c'est une marchandise. L'information aujourd'hui, pour ces gens-là, sont des marchandises. Mais pour nous, les journalistes, c'est un moyen d'informer. Et en fait, s'il y a eu ce virage, alors la question du virage du journalisme et aussi à la sortie de 1992, le virage de la société. Mais le métier de journaliste, c'est d'informer, et après les gens prennent ce qu'ils veulent de l'information. Ils l'analysent, ils interprètent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais on n'est pas là, nous les journalistes, on n'est pas là pour faire penser les gens, c'est aux gens à penser d'eux-mêmes, mais on leur donne l'information. Voilà. Mais il y a eu un grand changement, et moi je le déplore moi-même, puisque j'ai été journaliste. Mais il faut pas confondre journaliste, celui qui informe, et communicant, celui qui communique. C'est-à-dire quand on fait un salon, ou quand on fait un reportage sur le gaz naturel liquéfié, c'est pas un journaliste qui a écrit ça, c'est un communicant. Voilà, c'est toute la différence. Alors justement, c'est ce que je disais, c'est que on peut demander aux journalistes de faire un publi-reportage. Il y a une déontologie. En principe, un journaliste n'a pas le droit de faire du publi-reportage. La plupart des publi-reportages, vous remarquerez d'ailleurs dans les journaux, ils sont pas signés. C'est soit parce que je suis membre du club de la presse du Nord-Pas-de-Calais, et il y a deux sections, il y a la section journaliste et la section communicant, c'est-à-dire des gens qui sont dans la pub, dans la communication et compagnie. Et souvent, parce que moi j'habite à côté de Lille, à une trentaine de kilomètres de Lille, souvent les étudiants qui font, je travaillais pour le groupe Voix du Nord, pour ceux qui connaissent un peu le Nord. Souvent, les étudiants qui font des publi-reportages, enfin, les personnes qui font des publi-reportages, ce sont des étudiants qui sont à l'école supérieure de journalisme. Et c'est vrai qu'ils sont payés à 300 euros le feuillet, mais ça leur permet de payer des études, parce qu'il faut savoir que l'école, c'est à 4500 euros l'année. Ça leur permet de payer les études. Mais les publi-reportages sont faits par des étudiants, pas par des journalistes, parce que la commission de la carte de presse, à partir du moment où vous faites ce qu'on appelle des ménages, c'est-à-dire faire des publi-reportages, faire des animations, on peut vous retirer votre carte de presse. Et aucun journaliste digne de ce nom ne prendrait le risque de se faire retirer sa carte de presse pour faire un public reportage sur Bolloré ou sur Dassault à 300 euros. Ça, c'est un journaliste digne de ce nom. Alors, il peut refuser, mais en même temps, ça peut être aussi un journal qui va venir le voir en lui disant je te propose tel tarif pour écrire tel article, et tu essayes de citer exclusivement les experts de Total. Alors, on reprend ce que j'ai dit au tout départ. Il y a 38 000 journalistes en France. Il y en a 19 000 qui sont précaires. Je veux dire, sur les 38 000 journalistes, il y en a 38 000 qui sont dans des rédactions de chaînes de télé, radio, presse écrite, et qui sont ce que tu appelles installés. Tu sais que la moyenne, le salaire d'un journaliste, moi j'ai 50 ans, à la fin de ma carrière, avant de partir, j'étais à 2000 euros par mois. Ce qui, pour le commun des mortels, 2000 euros est énorme, mais j'étais pas à 35 heures, j'étais plus à 70 heures, quoi. Donc, globalement, j'étais en dessous du SMIC. Et ceux qui sont les 19 000 autres, qui sont ce qu'on appelle des pigistes, qui sont payés à la pige, quand tu travailles pendant des heures et des heures et des heures, voire des semaines, pour gagner 60 euros le feuillet, ou on te prend 3 ou 4 feuillets. Moi, j'ai un ami qui a passé 3 mois en Irak pour 1500 euros, quoi. Voilà. Oui, on est d'accord. Mais voilà, ce que je voulais rectifier, c'est que l'ensemble de la profession, parce que quand aujourd'hui on parle des médias, on globalise les médias. Quand on parle des journalistes, on dit tous les journalistes, parce que tu as cité quelques journalistes, mais ça c'est le journaliste vedette de Figaro ou de TF1, mais pas le petit journaliste qui prend sa caméra ou son appareil photo et qui est actuellement à Alep ou actuellement à Mossoul. Voilà. Et voilà, mon intervention c'était juste pour dire, comme on nous demande de ne pas faire d'amalgame tout le temps, moi qui suis journaliste, faut pas faire d'amalgame tout le temps, et tous les journalistes sont pas tous à la botte du capitalisme. Alors. Oui, en fait, la question de l'argent se pose parce que justement des journalistes qui seraient pas à la botte du capitalisme vivent dans la précarité. Donc on doit penser un modèle différent, selon moi, qui protège mieux les journalistes, donc la liberté de la presse. Parce que cette question se pose, quand c'est du journalisme local, en général, quand il y a, on va dire, un scandale ou des choses comme ça, étant donné que c'est du local, on voit ça d'un œil souriant, voilà. Et dès qu'on est sur du national ou du mondial, tout de suite, il y a un grade en plus, et la liberté perd en grade aussi. Et du coup, il y a toujours la question de l'argent, combien d'argent est en jeu, combien de personnes sont concernées, et on sera obligé au bout d'un moment de poser la question, quelle liberté pour les journalistes, pour quel risque, pour... Selon moi, on doit plutôt aller dans le sens de la liberté, de protéger, et donc de poser ces questions-là. De l'argent, du financement, même s'il nous arrive de faire des erreurs. En tout cas, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est important que vous soyez là aujourd'hui. Et pour qu'on puisse se mettre dans une position vraiment de choisir le meilleur modèle. Pour pas aller dans un sens qui serait dangereux pour les journalistes. Parce que même ceux qui sont à la botte du capitalisme, c'est pas des chefs capitalistes. Ils sont à la botte. Donc ça veut dire vraiment ils sont rabaissés. Donc la question est là. Comment on protège, quel modèle on veut? Alors je pense que tu as envie de répondre du coup. Non, c'est juste moi je modère en fait. Je passe la parole. Mais en fait, juste après on n'avait pas. On va peut-être laisser Mehdi finir son propos ensuite. Mais je te laisse répondre et ensuite on va laisser Mehdi reprendre. Pour protéger le journaliste, il y a certains journalistes, notamment chez les jeunes journalistes, qui manquent d'expérience et qui ne savent pas se protéger. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière où mon rédacteur en chef était un journaliste. Et j'ai eu le malheur de finir ma carrière où le rédacteur en chef était un financier. Voilà. Et il faudra qu'un jour les États, notamment la France, puisque c'est quand même le pays que je connais le mieux, même si j'ai fait partie de la Fédération internationale des journalistes et de la Fédération européenne des journalistes, il faudra qu'un jour l'État prenne en compte qu'un journal, c'est pas une marchandise et qu'on ne doit pas en faire un produit d'information. Et donc, ça serait à l'État, c'est mon opinion, à l'État de financer les journaux en faisant un écrémage. C'est-à-dire qu'en supprimant tous ces journaux qui ne font que vendre du produit et pas informer. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je suis encore un vieux de la vieille, je vais toujours au kiosque acheter mon journal. Aujourd'hui, quand je vois qu'un kiosquier, pour gagner un peu d'argent, il est obligé de vendre Gala ou Voici ou là, il va toucher 15 centimes sur le journal, et que s'il achète Libération, il va toucher 5 centimes, il faut inverser ça. Il faut qu'à un moment, on se dise, on achète de la formation pour s'informer et pas on n'achète plus les produits. On n'achète pas un produit. Et donc, il faut que l'État, à un moment, se dise, il faut donner des aides. Il y a déjà des aides, mais qui ont été détournées au début des années 2000, notamment sous Chirac et Sarkozy, puisque les grands patrons, les Serge Dassault, les Bolloré, les Bouygues, sont des amis Bouygues, le parrain du fils de Sarkozy, c'est Martin Bouygues. Le témoin du mariage de Sarkozy, c'est Vincent Bolloré. Le financeur de l'UMP, c'est Serge Dassault, quoi. Il faut qu'un jour, l'État se dise « je finance les journaux » pour que justement cette liaison dangereuse soit coupée et qu'on redonne la vraie place aux journalistes et à l'information. Parce que la vedette d'un journal, ça ne doit pas être le journaliste, comme on voit à TF1 ou à ITL aujourd'hui, mais la vedette d'un journal, ça doit être l'information. Et après, il y a aussi un mélange de cultures. Je donne un exemple. Il y a quelques jours, je me souviens plus de la date, mais c'était au début du mois d'octobre. Au début du mois d'octobre, dans le journal, là où j'habite, dans le journal, à la fin du journal, il y a une page qui s'appelle « Ça s'est passé hein, tel jour ». Et il y avait une seule ligne sur l'assassinat de Che Guevara, une seule ligne. Pour dire que ça s'était passé en 68, je crois, 68, il y avait une seule ligne sur l'assassinat de Che Guevara, et il y avait 17 lignes sur la naissance de Matt Damon. Je savais pas, j'ai découvert, enfin, je suis pas très cinéphile et surtout pas pro-américain, mais voilà, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on a oublié, je repense à un truc, il y a quelques jours, il y avait le 75e anniversaire de l'assassinat de Guy Mocquet, pas une ligne dans les journaux. Il faut qu'un jour, on retrouve cette information-là. Et pour que retrouver cette information-là, il faut une presse indépendante des grands groupes industriels et qui ne appartiennent pas donc à des industries. Mais que la presse redevienne ce qu'elle était à la fin de la guerre, c'est-à-dire des propriétaires de journalistes. Alors juste, du coup, on a commencé un petit peu le débat avant que Mehdi ait pu finir son propos. Je vais te laisser du coup la parole et après, laisser Mehdi finir son propos. Et oui, mais en fait, il n'avait pas fini son exposé. Juste après, dans 5-10 minutes, et après, on laissera la parole, voilà. Bon, en fait, c'est juste 10 secondes, c'était à propos des gens là que tu citais, Dassault, etc. Tu as parlé du groupe Carlyle, et il se trouve que le président du groupe Carlyle, c'est le demi-frère de Sarkozy. Ouais. C'est juste une information que je rajoutais. Non ? C'est pas le demi-frère de Sarkozy ? Bah là, je sais pas, moi, j'ai entendu parler du demi-frère de Sarkozy, président du groupe Carlyle, qui avait été nommé... Ah bon ? Non, le demi-frère qui est aux États-Unis. Hein. Ah bon. En fait, pour conclure, ce dont tu parlais tout à l'heure, justement, les liens entre l'État, les médias et un certain nombre de gens qui sont en fait qui produisent des choses pour l'État. Donc tu me parlais de Bouygues, etc. Il y a un film qui est très bien là-dessus, qui s'appelle « Pas vu, pas pris ». Je ne sais pas si tu l'as vu, j'imagine, de Pierre Carl. Il est disponible sur Internet. Vous allez pouvoir le voir sur YouTube. Enfin, tout le travail de Pierre Carl sur les médias est vraiment un travail assez intéressant et assez précieux. Donc je vous encourage de regarder ces choses-là. Moi je suis d'accord avec vous, mais sur le fait qu'il y a normalement le travail de journaliste et d'un autre côté le travail du communicant. La précarité fait que de temps en temps on est obligé de faire le journaliste est obligé de faire des ménages. J'ai bien vu que moi, je suis sorti d'une école de journalisme et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des piges. Et au bout d'un moment, quand j'avais plus de ressources, j'étais prêt à accepter de faire des ménages. Donc ils sont bien payés, etc. Mais effectivement, là, c'est les gens qui m'appellent, c'est pas la boîte d'une agence de communication. Ce qui m'appelle, ce sont des journaux. Et ces journaux-là, j'arrive recommandé par d'autres journalistes en disant, ce journaliste a besoin d'un peu de sous. Il peut écrire ça sur tel sujet. Et voilà. Et donc du coup, il y a quand même dans les grands groupes de médias, cette possibilité de passer par le réservoir à journalistes pour écrire un certain nombre de sujets. Et donc il y a quelquefois même peut-être des alternances entre de temps en temps je fais pas du public reportage, mais disons des ménages, quoi. Alors on appelle ça mais moi pour le coup, pour le GNL et Total, c'est la Tribune qui m'a appelé et qui, quand je leur demande mais tout ça, est-ce que ça compte pour la carte de presse, ils me disent oui, bien sûr ça compte. Donc voilà, ça factuellement c'était ça, quoi. quand l'étudiant veut faire un hors-série pour le financement de la taxe d'apprentissage financée en marque blanche par la Syntec, qui est un gros syndicat professionnel du secteur numérique, ben, je vais être payé en pige et ça va être aussi accepté par la carte de presse. Non mais factuellement, ça le sera. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça en tout cas. Ben, je parle de il y a 6 mois, donc peut-être que ça a changé entre temps, mais voilà. C'est donc du coup, sans compter que j'ai participé à la création d'une agence de presse, ce que j'ai vu, c'est que quand on a fait un peu le tour des agences de presse qui existent, j'ai eu la sensation qu'il y avait eu plus de 2/3 des agences de presse qui étaient là pour faire une bonne partie de travail de communication sous couvert d'agences de presse. J'ai envie de dire, c'est la réalité. Je suis d'accord avec toi pour qu'il y ait une sorte de régulation d'État, et puis une forme de mur, de mur absolument infranchissable entre celui qui possède un média et l'État et des commanditaires, pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres. Mais ça, je suis à 2000% d'accord avec toi. On arrive après derrière ça au problème du financement, parce que les gens payent de moins en moins l'information, et donc comment on fait dans ce cas-là? Comment, même si tu, est-ce que c'est l'État qui paye? Mais du coup, si tu es tributaire d'un État, c'est un autre excès. Donc qui est possesseur, qui possède l'État? Quel est le gouvernement? Quelle est la majorité qui possède l'État? Donc on est dans un autre type de problème. Donc j'ai pas vraiment de solution. Je discute là maintenant avec toi, et ce que je proposais de discuter, c'est là il y a un problème, et le problème il fonctionne à peu près comme ça. Voilà, je finis et je donne la parole au reste. Juste 2 secondes pour apporter une solution. L'idéal, c'est un peu ce qui se passe à France Télévisions ou à l'AFP, c'est-à-dire que c'est financé par des fonds publics, c'est financé par une redevance. Mais il faudra juste qu'un jour le président de France Télévisions ou de l'AFP ne soit pas nommé par l'État. Merci beaucoup. Donc merci Mehdi pour cette intervention. On va passer du coup aux questions. Si vous voulez parler, il y a un micro et on va pouvoir débattre en fait. On va pouvoir débattre. Je suis en train de dire que si vous avez des questions et vous voulez débattre, vous pouvez lever la main et je vous passe le micro et du coup vous parlerez ensemble. Mais Alan m'a du coup levé la main. Désolé. Non, mais Alan m'a levé la main en fait. C'était pour préciser que c'est un sujet très important. On ne va pas se disputer pendant l'assemblée, parce qu'on est en train. On est en train d'aborder des sujets graves. S'il vous plaît, en fait, si vous voulez vraiment parler entre vous, vous pouvez sortir de l'assemblée. Et voilà. Merci. Voilà, c'est ce que j'avais à dire d'important. Je voulais vous remercier tous les deux pour votre intervention, parce que c'est un véritable enrichissement. Et franchement, personnellement, je regrette pas d'avoir posé le sujet, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est qui? C'est Sophie ensuite, c''est ça? Moi, c'était pour poser une question à Mehdi, là. Mais peut-être que vous voulez discuter encore. Hein. Je veux pas vous déranger non plus. C'était à propos, tu disais que les journalistes, ils étaient détestés et que les gens, ils voulaient plus faire journaliste. Hein. Vas-y, alors réponds. Hein. C'est ce que j'ai compris quand tu as dit au début. Je sais pas si tous les jours, les journalistes sont détestés. Oui, c'est une statistique, non? C'est quoi? Si, c'est une statistique, c'est-à-dire qu'il y a eu un sondage qui a été fait aux États-Unis sur quel est le métier que vous voulez le moins pratiquer, etc. Et celui qui était le plus dur, c'était bûcheron. Et juste au-dessus de bûcheron, c'était journaliste. Il n'y avait pas loin politicien, etc. Hein, donc c'était dans un groupe de tête, quoi. Policier, à la limite, c'est bien, quoi, tu vois. Oui, et puis même les gens détestent les journalistes en général, quoi. Bah oui, en France, oui, bien sûr, en France, mais même à Nuit Debout, tu vois bien que au départ avec Nuit Debout, on avait Non, mais Nuit Debout, c'est à part, mais globalement, les médias perdent de la légitimité, quoi. On considère que les journalistes racontent n'importe quoi, etc. Après... Ah oui, oui, ça, j'en suis certain. J'en suis certain. J'apporte une petite précision, enfin, parce qu'il parlait d'un sondage aux États-Unis. Il s'avère qu'il y a quelques années encore, j'étais au conseil d'administration de l'ESJ, qui est l'école supérieure de journalisme à Lille. Et j'ai toujours des amis qui sont là-bas. Et je voudrais dire à Mehdi, ça va peut-être le rassurer, que cette année, pour la rentrée 2016, il y a 30 étudiants qui sont rentrés à l'école supérieure de journalisme et il y avait quand même 500 demandes. Donc je pense pas, contrairement à ce que dit Mehdi, mais c'est un débat, hein, c'est de se contredire. Je pense pas qu'aujourd'hui les jeunes n'aient plus envie de faire ce métier de journaliste. Je peux vous dire que dans les écoles, ça se bouscule encore à la porte d'entrée. Pardon, excuse-moi. Juste pour répondre et dire je suis d'accord. Des gens ont envie d'être journaliste, mais le métier n'est pas apprécié. C'est ça, je suis d'accord. C'est quand même un métier qui fait encore envie, je pense. D'ailleurs, juste pour rappeler, il y a tour de parole, vous levez la main et je vous passe le micro. Du coup, il y a Seb qui m'a demandé tout à l'heure, il est revenu, et je te le passe après. Excusez-moi. Je souhaiterais savoir un renseignement aussi par rapport aux médias, parce qu'avec iTélé, BFM TV... TF1, France 2, France 3, et ainsi toutes les chaînes qui font une diffusion média. Pour quelle raison on n'a jamais entendu parler des personnes qui meurent dans la rue, on n'a jamais entendu parler aussi de tout ce qui est la faiblesse de la pauvreté simple dans la rue. Et le problème est là. Je voulais savoir pour quelle raison on le cache. Juste, je suis désolé, hein, c'est pas du tout contre toi. Comme Mehdi est intervenu, je lui demande s'il veut répondre. Mais c'est vrai que comme ça tombe très bien que tu sois là par hasard, du coup tu peux répondre aux questions. Tu veux répondre ou tu veux laisser répondre le monsieur, pas de soucis. Ouais. Je sais pas si à Paris on parle de la pauvreté ou des SDF qui meurent dans la rue. En tout cas, je peux vous dire qu'à la Voie du Nord, à Lille, quand un SDF meurt sur la place, la grande place de Lille, ça fait la une du journal. Alors à Paris, c'est peut-être autre chose, mais en province, quand un SDF meurt à la gare de Metz, ça fait la une de l'Est républicain. Quand un SDF ou une famille est expulsée à Bordeaux, ça fait la une de Ouest-France. Alors maintenant, c'est un problème de presse parisienne, parce qu'il y a quand même deux presses, hein, je ne veux pas dénigrer les Parisiens, j'ai vécu aussi. Il y a quand même deux presses, il y a la presse parisienne et la presse provinciale, quoi. Et je peux t'assurer que quand un SDF meurt de froid le 20 décembre à Lille, on en parle. Et quand il meurt de soif le 15 août à Lille, on en parle et ça fait la une du journal. Et en même temps, pourquoi aux médias on ne lance pas peut-être 3 semaines à l'avance aux médias directement que le 17 octobre il y a une journée mondiale par rapport à ça? Désolé, je vais faire un tout petit peu d'autorité, mais je sais pas le faire. Mais évitez de vous passer le micro parce que ça zappe les tours de parole. En fait, il y a des gens qui ont demandé des tours de parole et voilà. Mais vas-y, je te laisse répondre. Même réponse qu'avant, quoi. Je sais pas pourquoi ça se fait pas à Paris. Moi, j'ai travaillé à Lens. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Nord. J'ai travaillé à Lens, j'ai travaillé à Béthune, j'ai travaillé à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. J'ai travaillé à Lille. Je travaillais à Valenciennes. Chaque année, le 17 octobre, c'était moi qui couvrais l'événement du rassemblement de la journée mondiale du refus de la misère. Alors je ne sais pas pourquoi le Parisien ne le fait pas, pourquoi Libération ne le fait pas, mais encore une fois, c'est la même réponse qu'avant. La Voix du Nord le fait, l'Est républicain le fait, le Progrès de Lyon le fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi à Paris ça ne se fait pas. Juste pour aussi faire une remarque à propos de... Des médias, ils ont une façon aussi assez subtile aussi de... Enfin bref, par exemple, quand il y a eu les attentats, ils y vont pas directement, ils font susciter. Par exemple, ils nous ont fait des storytelling sur les gens qui ont été victimes des attentats, de façon, et ça a été pendant au moins 15 jours, ça a duré, de façon à ce que ça suscite les pensées des réactions chez les gens et de façon à les manipuler, voilà. C'est quand même aussi assez subtil, c'est pas directement qu'ils vont bon, voilà quoi. Et juste pour parce que là je vois un panneau qui a marqué Paris Debout et Médias Debout soutiennent la grève ITV. Moi personnellement je suis à Paris Debout, je soutiens pas la grève ITV parce que ITV, faut voir comment ils nous ont craché dessus à Nuit Debout. Il faut voir ce que c'est que ces gens-là qui font la grève à ITV, ils s'en prennent juste à Morandini, ils défendent leurs petits intérêts. Quand c'est pour nous cracher dessus, ils nous ont craché dessus plein de fois. Et la façon dont ils font de l'information ITV, je rappelle que c'est Bolloré qui tient ITV. Hein. C'est des gens qui, si vous en voudrez vraiment à Bolloré, ça se saurait. Enfin, voilà, tous les gens qui sont, tous les journalistes de ITV, la façon dont ITV traite l'information, c'est vraiment, personnellement, voilà, moi, c'est pas moi qui vais soutenir la grève des journalistes ou de je ne sais qui d'ITV. Voilà, merci. Vous voulez répondre ou. Je demande aux intervenants s'ils veulent répondre et après, si vous voulez prendre un tour de parole. Je prends un tour de parole. Oui, mais il y a quand même un tour de parole. Je suis désolé. Voilà, désolé de respecter la démocratie. Donc voilà, il y avait le monsieur. Ouais. Bon, y en a qui parlaient du 17 octobre. Moi, je trouve que cette journée-là, moi, c'est un petit peu comme le 1er novembre. Bon, on pleure pendant une journée, mais au point de vue logement des personnes, il n'y a rien de fait. Alors moi, personnellement, je n'y vais pas parce que si je vais là-bas, je vais être en colère. Donc, pour moi, c'est du... On endort les gens et c'est tout. Mais malheureusement, les personnes qui sont concernées par ce truc-là, ils ne sont pas là ce jour-là. Il faudrait que ces personnes, laissant logis, comme le collègue vient de dire, là, il n'est plus là maintenant. Mais c'est à eux d'aller là-bas quand il y a une journée. On pleure une journée et après, olé, olé. Hein, c'est comme... Avant Noël, on va faire des quais de rue, ça y est, on a fait notre béaba, maintenant on peut faire la grande bouffe, et les autres qui sont dehors, on n'en a rien à foutre. C'est un petit peu ça. Bon, ben voilà. Oui, donc pour répondre à l'attaque faite par rapport à pourquoi on soutient les grévistes d'ITV, d'abord parce qu'on est dans une convergence des luttes à Nuit Debout. Et ensuite, il faut quand même expliquer, je pense que ces personnes n'ont pas été à la rencontre des grévistes, ne connaissent pas les enjeux, ne savent pas les coulisses de ce qui se passe à ITV. Et ça fait des années que ça couvre, ça fait des années qu'il y a plusieurs journalistes qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe et qui tentent d'agir en interne. Et Morandini, ils l'ont très bien explicité dans toute leur communication sur Ygrève. Il y a un fil Twitter, il y a un site qui explique toutes leurs revendications. À ITV, ce qui s'est passé, c'est que Morandini, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était archi plein, étant donné qu'il n'y avait pas de ligne éditoriale pour la chaîne d'info, qui bossait dans des conditions de plus en plus précaires. En juin, ils ont fait une première grève pour dénoncer le licenciement abusif de plus de 50 précaires par Bolloré. Et ils dénoncent Bolloré, ils sont en guerre contre Bolloré, justement. Donc ce sont pas nos ennemis, les pigistes d'ITV et les journalistes d'ITV font cette grève très courageusement et c'est suffisamment rare pour qu'ils les soutenir. Et ils font cette grève pour défendre le métier de journaliste, pour défendre la déontologie du métier et ce sont des personnes malgré tout engagées. Même s'ils le font peut-être pas au niveau de Nuit Debout, il n'empêche que ces personnes-là sont de notre côté. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait une nouvelle charte écrite pour défendre une ligne journalistique digne de ce nom à ITV. Et faut savoir qu'ITV c'est 0,8% d'audimat. BFM c'est 2,5% d'audimat. TF1 c'est 45% d'audimat. Donc s'attaquer à ITV BFM franchement c'est de la gnognotte. Les gros auxquels il faut s'attaquer, c'est TF1, M6, eux ils ont des lignes éditoriales franchement nauséabondes et eux ils font ce qu'on appelle de l'infotainment et c'est ce dont je devais parler et je sais pas si c'est le moment pour que je commence à faire mon intervention mais j'avais préparé une intervention là-dessus. Donc voilà, en tous les cas, nous on a été avec Alan et quelques autres personnes à la rencontre des salariés d'ITV et je vous assure que c'est des personnes qui sont dignes d'être soutenues. Ouais, on commencera ton intervention d'ici 10-15 minutes. Du coup, il y avait toi et toi. Oui, moi je soutiens Sophie. C'est dingue ça. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive et que je le constate. Dans un sac de nœuds qui a l'air négatif, s'il y a un point positif, on prend tout le négatif pour taper sur le point positif. Donc les grévistes de ITL, ils tapent sur un sauvage appelé Normandini et tu trouves le moyen de lui taper sur la gueule encore. Ah, il y avait un monsieur qui voulait intervenir, mais... Il a disparu. Bon. Okay. Si, voilà. Si vous... Non, mais en fait, voilà, c'était monsieur qui voulait s'exprimer. Ouais, donc bonjour. Moi, j'ai participé à une manifestation donc au soutien au peuple kurde. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, il y a une grande répression donc en Turquie. Hein, Erdogan, donc. Le nouveau calife du Moyen, enfin, il se présente un peu comme ça, le nouveau calife du Moyen-Orient. Il faut quand même savoir qu'il est soutenu par le gouvernement français. En tout point, il y a un silence, on va dire, complice du gouvernement français par rapport à toutes les actions menées par ce dictateur qui s'appelle Erdogan, qui a été reçu en grande pompe et encore l'année dernière par François Hollande. Mais par rapport à, justement, comme c'était un débat sur les médias, je voulais relater, donc en relation avec la manifestation qui est encore en cours, enfin bon voilà, elle se disperse sur la place de la République, hein, des Kurdes qui dénoncent la répression féroce en Turquie. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des villes sous, c'est pas l'état d'urgence qu'on connaît en France, hein, c'est des villes qui sont bombardées, hein, donc avec des tanks, avec des avions. Il y a des milliers de personnes qui sont emprisonnées et torturées, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, ce que je voulais par rapport aux médias, c'était de dénoncer donc la complicité de certains on va dire, médias en France ou d'opérateurs de médias, notamment le français Eutelsat. Je lis un petit passage un petit peu du communiqué donc des Kurdes. C'est trop fort. Eutelsat. L'opérateur satellite français Eutelsat. Voilà, je lis le petit passage qui concerne un petit peu cette répression par rapport aux médias. Pour réprimer et tuer en silence, avec le silence complice des médias, bien sûr, en France, on n'en parle pas beaucoup. Les autorités turques ont procédé le 29 septembre dernier à la fermeture de 23 chaînes de télévision et de stations de radio kurdes et d'opposition. Dans le même temps, les chaînes d'information kurdes Nevroz TV et Mednus, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, étaient suspendues par l'opérateur satellite français Eutelsat à la demande de l'autorité turque de régulation des médias. Il faut dire que la répression turque contre les médias ne connaît pas de frontières. La liberté d'expression, le droit à l'information ne pèse pas bien lourd face aux intérêts économiques du groupe Eutelsat. Pour lui, la Turquie est un marché alléchant qui justifie bien que l'on bafoue les droits d'un peuple. Voilà, c'était juste pour signaler cette violation de la liberté d'expression, y compris en France et au Kurdistan. Non, j'ai pas de choses à compléter. Sophie, tu veux... S'il n'y a pas de questions, peut-être qu'on peut continuer sur... le sujet que Sophie devait défendre tout à l'heure. Donc elle devait défendre le sujet de l'infotainment. Donc elle a ramené des gants de boxe pour pouvoir parler de ça. Alors est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je parle de gants de boxe, quand on parle d'infotainment? C'était un JT du 20h sur France 2. Animé par un journaliste qui est maintenant un peu disparu des écrans, qui s'appelle Paul Amar. Et ce jour-là, il devait y avoir un débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie. Et comme tout le monde l'annonçait dans les médias, Paul Amar a sorti un sac dans lequel il y avait deux paires de gants de boxe pour dire, bon ben voilà, puisqu'on a annoncé que ce serait un affrontement très, très sportif, ben, j'ai ramené le gant de boxe pour que ce soit un beau spectacle. Et donc du coup, cette histoire permet de raconter un peu ce que c'est que une forme d'infotainment, justement. C'est-à-dire de l'information et de l'entertainment, c'est-à-dire la traduction, je ne sais pas. Je pense que ce sera Sophie qui va faire l'explication et la définition de ce que c'est que l'infotainment. Oui ?